je suis toujours de bonne humeur et très cultivé. Il est très connu et il est charmant. Oui, naturellement, je l'aime beaucoup. Je suis au-dessus de tout ça. Parce que je suis libre, moi. Salve de Hemoch, dans le monde de la balle et merde. Hen rouge, dans le rayon, dans rouge, merde. Lucie, ce n'ira, ce taré, ça taré, réif, fils de venu, eusil, et la estable merde. Doctor, hen rouge, presse, dénière, couvis. Oh, peu de noix, ça me rend pas les divers, ou pas, moi, j'en te donne une heure en riz, donc faut réussir. Ah, on y charrette, artant, on y chatte, dans les cheveux de bourre, car on les chrette. Le vue d'aller régner, faire pilerer, il fait le pan de mer qu'à l'extrême. Aïe, ou baisser dans ça, ou m'enrayer jusqu'à la fesse, on sait numéro. Deux, feu le rechiste numéro. Deux, j'ai le rechiste, deux, bâtisse, deux, point, you, mais le laisserait. Recus, une autre, mon phalax, je recus, ce grésin. Feu de nos gilets, dame. Et du fin, et c'est. Laisse des seins tenus et remonte la lotte sans se deux devant une enfine aveugle sous calqueva et le riou step, c'est elle mon mère. Écoutez-moi. Faisant des efforts en rêve de devenir réalité. Ta gueule.